Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Bon, eh bien, bonjour dans la boîte à bordel qui commence encore bien. Je sais pas, j'ai encore bugué, j'ai pas pris mes lunettes. Je me rends compte que plus le temps passe et plus il va falloir que je les mette. Enfin, c'est pas grave, je parle au micro. Voilà, il y a eu des petites discussions, tout ça. Alors du coup, j'étais dans un... dans autre chose. Enfin, quoi qu'il en soit, ça y est, la boîte à bordel débute. Et aujourd'hui, nous allons... je vous partage le gros délire qu'est le label Banzaï. Un label de musique belge fondé... Alors, attendez. Tellement discuté que j'en ai presque pas préparé. Non, je rigole. Mon émission. Alors, c'est un label qui a été fondé en Belgique en 92 par DJ Fly, qui est malheureusement décédé en 2003. Donc, c'est un label qui est plutôt spécialisé en trance, art trance, techno, hardcore... musique rave, avec une évolution plus vers la fin en trance, et au début c'était plus hardcore. Donc il y a DJ Fly, Yves de Ruyter, que je vous avais passé dans des émissions précédentes, et un autre artiste s'appelle Frankie Jones. L'histoire du label, en gros, donc c'est un sous-label d'un label néerlandais qui s'appelle Lightning Records. Et en gros, bon, c'est des Flamands, c'est pas des Wallons, mais c'est des... Voilà, ils sont assez costauds, un peu, ils ont un peu une influence, un peu comme à Rotterdam, un peu dans les trucs un peu hard, mais pour à destination des clubs plus. C'est pas comme dans les free parties, où tout à l'heure d'ailleurs je vous ferai gagner des places pour la Hérétique, la soirée qui aura lieu au fil, où là on est dans un autre type de son, aussi dans le hardcore, mais plus dans les free parties à l'extérieur, où on est plus dans l'illégalité entre guillemets, où on va investir des lieux dans les campagnes, dans les bois, tout ça. Là c'est on va dire un peu plus réglementé. Donc dans les années 90, peut-être aussi que les gens avaient plus de pouvoir d'achat, mais bon, ils avaient aussi d'autres problématiques en lien avec ce qui peut se passer dans les soirées électro d'ailleurs. Enfin, en Belgique c'est une autre manière de fonctionner, on dira. Et donc, ce label, en fait, a existé grâce à ces trois producteurs, et aussi parce qu'en fait, ils produisaient dans une arrière-boutique qui était à la base une sandwicherie, qui s'est transformée ensuite en boutique qui vendait des disques, un disquaire, qui s'appelait The Blitz à Anvers. Et ensuite, ils ont ouvert un studio et ils expliquaient qu'en gros... le son était assez limité et qu'ils enregistraient sur une session, un artiste, un producteur venait sur une journée et l'enregistrait ce qu'il avait enregistré, mais il fallait qu'il se débrouille pour qu'il fasse ça en une journée. Ça coûtait assez cher d'enregistrer. Et puis parce que les cartes d'enregistrement des Roland 300, là, les synthétiseurs boîte à rythme, machin, étaient limitées. Donc voilà, ils avaient des contraintes qui ont fait que finalement, malgré tout, ils avaient... beaucoup d'énergie dans ce qu'ils voulaient partager, hein. Donc c'est de la musique très, comme dit Nina Kravitz, j'ai vu dans une interview de où elle expliquait un petit peu ce qu'elle pensait du label de Banzaï, et elle disait que c'était très catchy. Il y a d'autres artistes, hein, des sons qui sortent des tripes. C'est fait pour le dance floor avec des BPM assez rapides. On passe de 120, 140 à 160 BPM. Il y a eu aussi un très fort retentissement à l'international. Hein, donc, beaucoup de sons à Berlin qui ont été diffusés au Japon, aux États-Unis. Il y a aussi au niveau du merch, Enfin, voilà, 700 000 t-shirts ont été vendus, et ce qui a permis ensuite que leur studio puisse être mieux équipé en matériel. Donc les goodies, le merch, ça, du bon, on va dire. Voilà. Et donc, pour commencer, on va se faire une petite sélection. Alors, je vais pas vous passer forcément ceux qui connaissent Banzai, les sons très connus. Hein, donc, il y a The First Rebirth, qui est un des titres qui a été très très joué. Enfin, voilà, il y a Animals de Yves de Ruiter, etc. Donc là, moi, je vais vous passer un peu des titres bon hardcore, etc. Mais on va y aller aussi dans la trance. Et ensuite, on ira sur les nouveautés. Et pour les places de donc pour gagner pour Hérétique, vous pouvez appeler dès à présent, si vous voulez, au 04 77 25 05 94, en essayant d'appeler pendant que je passe de la musique pour que je puisse vous répondre. Et sinon, c'est parti. On va commencer avec Sushkin. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Dream Your Dream. Alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Dream Your Dream. C'est un duo de personnes qui s'appellent donc duo puisque de Karim Books et Roel Renders. Karim Book qui est aussi la moitié de Thunderball, qui est un truc que je vais vous passer tout à l'heure. C'est excellent. Et donc voilà, moi j'aime bien, c'est très débile, c'est très dansant, oh, c'est très punchy hein, forcément, donc là je vais vous réveiller moi aussi. Donc, donc on est parti pour quelques morceaux, je vais vous en passer 2-3 d'affilée, je vous dirai après ce que c'est. On va pas couper à chaque fois, parce que sinon ça va être un peu long et j'aurai pas toute l'émission pour passer mes nouveautés, qu'est-ce que c'est, et raconter des trucs, tout ça quoi. Voilà, bon. Let's go pour le méga show, parce que là, ouais, j'arrive toujours pas à faire des transitions propres. Mon Dieu. Shushkin. Par contre, là, il y a un début assez tranquille. Bon, on va arrêter. Thank you. We'll be right back. on vient de se débuter la sélection de Banzai. Là, tout de suite, c'était Dream Your... Non, c'était pas Dream Your Dream, c'était Bam Bam, l'artiste, avec le morceau La Casa. Et juste avant, c'était Joyrider avec le morceau The Deadline et Dream Your Dream avec le morceau Sushkin, donc respectivement sorti en 93. Alors, on va enchaîner avec Insider. Là, on est en 99, donc c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du début du label, de ce qu'il proposait. Donc, on est plus sur de la trance mélodique. Donc, Insider, qui est un producteur belge, qui s'appelle Chris van der Heijden, avec donc le morceau Boots on the Run. Ensuite, on partira en 2001 avec un morceau qui s'appelle The Black Master. L'artiste s'appelle The Black Master avec le morceau Black is Black. Donc, on est plus sur de la trance dark, un peu à la sauce Arnaud Robotini, The Hacker. Et ensuite, je vais vous passer un morceau de Booty Hunter, où là, on va rentrer dans du gabber hardcore. Voilà, Booty Hunter, qui est Stéphane Mélis, qui était un DJ résident dans des clubs belges, dont un qui s'appelait TGV. Et voilà, qui était assez connu dans les années 90. Donc, c'est un morceau là, qui est sorti en 93. Le morceau s'appelle Whoops. De Booty Hunter. Allez, on va s'enchaîner donc avec Insider. Thank you. Enchaîne pas tout de suite. Donc, on vient de s'écouter trois morceaux donc du label Bonsaï dans cette boîte à bordel qui est consacrée donc au label trans art techno un peu violent. Alors, c'est sûr que sur la programmation de Radio Dio, ça dénote un petit peu, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la musique électronique. Hein, tous ces mouvements. Qui ont émergé dans les cultures des années 90 et qui inspirent fortement d'ailleurs dans ce revival de la trance, psy-trance, qui est très très programmé dans les salles de musique, même actuelles, là, puisque Hérétique, là, le groupe pour lequel je promeus des places pour le film, vient donc, pas forcément mais de ce genre de trans, art trans, mais malgré tout, ils sont aussi inspirés de ce genre musical. Et donc, voilà, c'est marrant, voilà, comme la mode, hein, on revient à quelque chose qui est un petit peu ouais, rétro, mais nostalgique pour les clubbers qui vivaient des moments... assez bienfaisant dans cette période où il y avait une espèce de naïveté, où tout le monde était en symbiose, on s'entendait bien, etc. Il y avait voilà, happy face, c'était un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on essaie je pense de redonner un petit peu cette bienveillance qu'il y avait dans les clubs à l'époque, actuellement, mais bon, le passé c'est le passé. Maintenant, je pense pas qu'on arrivera à faire la même chose, mais c'est toujours intéressant, voilà, de comprendre l'origine de tous ces mouvements. Donc, j'ai passé tout à l'heure donc Insider, donc Chris van der Heyden, un Belge, avec de la trance un peu mélodique, un morceau qui s'appelait Boots on the Run, sorti en 99. Juste après, c'était Black is Black, un morceau produit par The Black Master, un peu trance dark, un peu voilà, assez intéressante, parce que c'est pas vraiment l'ambiance du label, mais il y avait ce morceau qui était aussi proposé. Donc c'est marrant aussi de voir un peu quand on étudie, enfin quand on écoute, on fait un petit peu un choix aussi intéressant par rapport à ce que le label aussi a voulu montrer comme différentes couleurs musicales, hein. Il n'y a pas que des sons assez bourrus, il y a aussi un peu des trucs un peu différents. Donc ça, c'était sorti en 2001, et juste après, donc on s'est écouté Booty Hunter avec le morceau Whoops, qui est sorti en 97. Voilà, du son assez gabber, un peu hardcore, un peu assez punchy. Bon, on va sortir la galette, parce que j'en ai une de bonsaï que j'ai hérité bien malgré moi. Je vais dire merci à mon frangin, hein, parce que c'est comme ça que tout a commencé. En fait, un jour, j'écoutais des vinyles sans qu'on me dise « Tiens, ça c'est bien, nanana ». Il y avait des vinyles qui étaient dans la cave, en fait, et j'ai pris les vinyles et puis je les ai écoutés les uns derrière les autres, et je suis tombée sur ce vinyle de Sherry Moon que je vais vous passer. Et le morceau, c'est « Let There Be House ». Et en fait, Sherry Moon, donc, c'est un club belge où il y avait énormément de soirées où Banzai... passer des sons qui composaient, hein, donc c'était un peu leur lieu de voilà, de test, etc. Et donc en fait, c'est l'ensemble des producteurs du label Banzai qui s'étaient un peu cachés entre guillemets derrière qui faisait exister donc ce nom de producteur qui s'appelait Sherry Moon, mais en fait c'était à la base donc à destination du club. Donc ce morceau que je vais vous passer, il est sorti en 94. Donc c'est celui qui m'a un petit peu fait ouvrir les écoutilles en me disant mais waouh, c'est quoi ce truc quoi. Donc vinyle, c'est parti, vinyle gauche. Ouh. Eh ben non. Je crois qu'on va pas l'avoir parce qu'il y a un problème de diamant. Et pourquoi ça c'est chelou. J'arriverai jamais à comprendre. Et non. Eh ben on n'aura pas le vinyle, mais on aura quand même le morceau, parce que j'avais prévu le truc, donc ça mercredi, eh ben on a toujours l'autre possibilité. Allez, let there be house. Thank you. Cherry Moon Tracks avec le morceau Let There Be House, un morceau donc composé en 1994 et donc qui m'a permis donc de découvrir le label Banzai et dont j'ai hérité. Mais en fait, voilà, j'ai regardé le cahier de maintenance du studio et j'ai constaté qu'effectivement il y avait le diamant de la platine qui était dead. Donc ceci explique cela. Tout à l'heure, en fait, on peut pas faire de pré-écoute parce que, enfin bref, c'est histoire technique, c'est compliqué. Enfin bref, vous l'avez entendu, c'était voilà, bien petit. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au Before d'Electricity, il y a eu, j'avais passé des sons. C'était la seule fois où j'ai réussi à passer du son à Reims, faire un DJ set. Et on avait fait un live, des producteurs qui sont assez connus d'ailleurs maintenant, Club 42 DJ, alias DJ Tsigan à Paris, et il y avait Francesco Consellini qui a été d'ailleurs banni après les horreurs qu'il a fait, enfin toujours est-il que voilà, on avait fait une soirée ensemble et donc j'avais commencé à passer ce morceau-là parce qu'il y avait un petit problème technique avec le tracteur qui avait planté, et j'avais débuté ce morceau et j'avais été un peu, mansplainé, c'est-à-dire que voilà, on avait décidé que je ne pouvais pas passer le morceau jusqu'au bout, donc voilà, j'ai rectifié le tir, entre guillemets, ça me fait du bien. Et en plus, parce que c'était le morceau voilà, qui m'avait fait découvrir le label Banzai. Bon, allez, on enchaîne et on va finir bientôt cette sélection, même si j'ai commencé un peu tard. Je vais vous passer un morceau qui s'appelle Conclusion, d'un producteur qui s'appelle Crash Guard, sorti en 2002. Alors, en fait, le label Banzai, qui est donc un sous-label du label Lightning Records, qui a fait faillite d'ailleurs, qui n'existe plus. Banzai avait plein de sous-labels, en fait. Et chaque fois qu'il s'exportait dans les différents pays, chaque fois, il prenait le nom du pays d'exportation pour vendre dans les pays où il produisait des vinyles. Et en gros, là, c'est un sous-label qui s'appelle Banzai Limited. Donc, ce n'est pas tout à fait le Banzai Record. Et donc, c'est sorti en 2002. Et c'est plutôt encore de la trance, vu qu'on est sur la fin du label, on va dire. Et ensuite, je vais vous enchaîner avec mon producteur préféré, Yves de Ruiter. Je ne sais pas pourquoi, mais il a touché la zone sensible. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier dans ce label, quelque chose qui m'émeut. Donc on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle YDOT de Yves de Ruiter, qui est sorti en 2003. Il y avait Dave Davis, Transfiguration, un morceau qui est sorti en 1996. Alors lui, c'est un Belge wallon qui est né à Spa. Bon, c'est des vieux, hein, ils sont nés en 73. Pardon pour les vieux. Enfin, tout ça pour dire qu'ils ont quand même ils avaient la patate par rapport à tout ce qu'on peut produire des fois aujourd'hui, qui sont violents, mais voilà, je trouve qu'il n'y a que de l'agressivité. Il n'y a pas ce côté punchy et catchy, comme disait, voilà, où on a envie de danser, on a envie, voilà, c'est joyeux, ça dénote de ce qui peut se produire là maintenant. Et donc, on va avoir après Yves de Ruiter, qui est passé sur un autre label, en fait, puisque Banzai n'est plus vraiment une maison de disques, et puis aussi booker des artistes, etc. Même si l'année dernière, ils avaient fait les 30 ans d'anniversaire, ils avaient fait une soirée. Et donc, il a créé son propre label qui s'appelle YDR, donc Yves de Ruiter, et un morceau donc, qui s'appelle On a Mission, qui est sorti l'année dernière. Voilà. Donc, on aura ça et The Rebel, le morceau mythique quand même, j'ai en passé un, de Yves de Ruiter. Bon, alors, vous n'avez pas tout suivi, donc on va commencer avec Crash Guard. Conclusion, ensuite, on aura Dave Davis, et trois morceaux de Yves de Ruiter. Et ensuite, on passera aux nouveautés. Et on aura des places à gagner pour Hérétique. Je vous le dis, il n'y a personne qui a appelé encore. Donc, vous pouvez tenter votre chance. Donc, je répète, le numéro de téléphone, c'est le 04 77 25 05 94. Si vous ne les prenez pas, c'est dommage. Voilà. Parce que, il n'y aura personne qui les gagnera, sauf moi. Donc, ça serait bête pour vous. Voilà. Bon, je n'ai pas réussi à être très convaincant, je pense. Bon, peu importe. Allez. Ah oui, je voulais passer à El Punto final, mais là, j'abuse. Là, c'est trop. Donc, on va se passer conclusion. the rebel. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. Don't take. voilà, on se termine cette petite sélection sur le label Bonsaï avec Yves de Ruiter, un producteur un peu fétiche du label, avec le morceau The Rebel. Et juste avant, donc on s'était écouté Crash Guard avec le morceau Conclusion. Et c'était sorti, pardon, en 2002. Et juste avant, avant, il y avait Dave Davis, Transfiguration, un morceau sorti en 96. Et juste avant, donc, c'était Crash Guard avec le morceau Conclusion. Désolée, c'était un peu décousu. Bon, je vais pas vous mettre On a Mission parce que c'est vrai que l'heure avance. Bon, le temps, on peut pas le rétracter et à l'infini. Donc, à un moment donné, donc on va passer à la rubrique des nouveautés. Et donc, qui dit nouveauté dit. Alors, dans ces nouveautés, qu'est-ce que je vous propose ce mois-ci? Alors, on aura Irène Dresel, qui a sorti un album qui s'appelle Rose Fluo, et c'est son troisième album, et franchement, j'ai été très très très surprise. Elle fait... ouais, un truc, enfin une ambiance vraiment de club, ouais, c'est un son vraiment techno assez, assez surprenant. Et d'ailleurs, elle se produit au Sucre et c'est complet le 1er mars si vous cherchez. Et elle ira à la Belle Électrique le 29 février et à Clermont-Ferrand à la Coopérative de Mai. Et ensuite, je vais vous passer un artiste qui s'appelle Anish Kumar, un artiste anglais, Sri Lankais, enfin d'origine, avec le morceau Train Dash. C'est un producteur assez surprenant aussi dans sa démarche, j'ai trouvé. Donc une sortie, mais qui était sortie en novembre 2023. Ensuite, il y a Bolis Pupul, qui est un producteur belge hongkongais, hein, pour rebondir un peu sur le label Bonsaï, qui a sorti son premier album solo. Et moi, ça m'a complètement parlé, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Completely Half, donc complètement, enfin moitié quoi. Et je me retrouvais dans ce truc-là où il se questionne un peu sur, je pense, enfin c'est... Quand on est métisse, en fait, on n'est ni l'un ni l'autre, on est les deux, on est les deux, mais on n'est ni l'un ni l'autre non plus. C'est assez particulier comme ressenti. Donc je suis totalement d'accord avec ce morceau, c'est, enfin de se dire qu'on est complètement moitié, en fait. On n'est pas complètement entier, c'est bizarre, enfin bref. Donc il va sortir en mars 2024, donc il y a deux morceaux qui sont en pré-écoute, et donc il y a Completely Half. Le morceau que je vais vous choisir s'appelle Spicy Crab Letter, et ouais, c'est ça. Voilà, c'est aussi assez surprenant. Il était en duo avec une artiste qui s'appelait Charlotte Adigéry. Et donc, ouais, là, il s'est autoproduit tout seul. Et ensuite, je vais vous passer un morceau d'un duo américain qui s'appelle Twin Tribes. Donc, c'est un petit peu Dark Waves, Dark Synth. Un peu des sons à la Depeche Mode. Voilà, ils viennent de Brownsville dans le Texas et ils ont sorti un album qui s'appelle Pendulum, Pendulum. Et le morceau que je vous ai choisi, c'est Monolith. Alors je les ai découverts grâce à Light Asylum, qui a publié une photo d'eux et leur album. Et donc par curiosité, j'ai écouté. Effectivement, c'est leur quatrième album. Voilà, bon, c'est des sons assez 80, mais c'est rigolo. Donc, un duo, Luis Navarro et Joël Nino. Et ensuite, eh ben, on fera les deux soirées. Et, bon, tant pis, je dépasserai grave, mais on s'en fiche, puisque ça avait débordé grave avant. Et voilà. Donc, on va dans la playlist qui sert de, voilà, de bordel, de ma boîte à bordel. Voilà. Comme chez tout le monde, vous avez le tiroir où il y a tout le bordel. Et moi, j'ai ouvert l'autre tiroir des nouveautés. Allez, yo-yo avec Irène Dresel, parce que c'était ça que je voulais vous présenter. Thank you. On vient de s'écouter Twin Tribes avec le morceau Monolith qui est sorti dernièrement sur l'album Pendulum, qui est leur quatrième album, un peu donc dark wave, un peu très, très orienté 80. Mais voilà, le duo Twin Tribes qui est composé de Luis Navarro et de Joel Nino. Juste avant, on avait Bolis, B-O-L-I-S, Pupule. Alors, il y a une histoire parce que il s'appelle vraiment Boris et en fait, c'est parce que il y a quelqu'un de sa famille qui l'appelait Boris en roulant le R et du coup, il a gardé cette prononciation, enfin, en tout cas, au niveau de l'écriture du nom pour qu'on le prononce de cette manière. Avec le morceau Spicy Crab Letter, Spicy Crab tout court, et le morceau et l'album autant pour moi s'appelle Letter to You YU, voilà. Et juste avant, on a écouté Anish Kumar avec le morceau Train Dash sur un album qui s'intitule In Sri Lanka. C'est un artiste anglais, voilà. Alors ça, c'est sorti en novembre 2023. Et juste avant, Irène Dresel, qui a sorti là, le 26 janvier, son troisième album studio, qui s'appelle donc Rose Fluo, avec le morceau que je vous ai sélectionné, qui s'appelle Yo-Yo. Donc Irène Dresel, hein, l'artiste productrice française, qui est en duo avec un artiste qui s'appelle Ciso Del Givry, qui est son percussionniste sur scène. Et voilà, qui a des scènes assez originales, hein, toujours fleuries. Enfin, je trouve qu'elle a une belle personnalité. Et donc, c'est la seule artiste qui a remporté, la seule artiste féminine qui est remportée, oh là, un César de la meilleure musique originale pour le film À plein temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait Les Gobelins. Voilà, moi, je ne l'ai jamais croisée. Parce qu'elle est née en 84, on a un an d'écart. Enfin bon, elle a beaucoup plus de talent que moi. Après, elle a fait de la photo aussi, c'est rigolo. Enfin voilà, elle a fait les beaux-arts. Enfin, c'est voilà, une artiste assez intéressante. Alors, on va passer un peu du hérétique, vu qu'il y a la soirée hérétique qui va passer donc le 24 février au fil. Alors, il y aura deux scènes. Hein, donc, sur la scène principale, donc, il y aura Popov, Nout, Limka, Boubou et Joker Müller. Et sur l'autre scène, il y aura Jacques Sattre, Krauser, Oro Keval, Overflow, Nins, Traumatic. Voilà, donc les hérétiques. Hein, donc le crew qui organisait des free parties dans les années 90. Voilà, ce produit donc, au Phil Smack à Saint-Étienne. Le 24 février. De 23h à 5h. Voilà, donc je propose des places gratuites si vous êtes intéressé. Voilà, vous pouvez toujours appeler au 04 77 25 05 94. Je répète, 04 77 25 05 94. Alors, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Demolition Party, qui est sorti sur un album qui s'appelle Techno is Beautiful. Alors, je ne sais pas si c'est sincère. Donc, sous couvert de leur crew Heretic System. Et ensuite, je vais vous proposer un morceau de Extravelt. Donc, ce sera une autre soirée qui sera aussi proposée au fil, la soirée 99 degrés. Bon, j'ai pas de place à gagner, mais voilà. Ce sera le 16 mars, donc au fil, avec le crew Pot-au-feu qui organise cette soirée. Donc, il y aura Extravelt, You Are Tracks, Inspect et Mac. MAWC. En tout cas, Extravelt, je vais vous faire une petite sélection d'un morceau qui s'appelle One Tree Hill, un morceau qui est sorti en 2008 sur l'album Schöne Neue Extravelt, de la techno allemande, un peu, enfin, c'est assez mélodique, c'est assez prenant aussi, voilà. Donc, les hérétiques, hein, c'est. Assez enfin c'est plutôt On revient sur le hardcore, mais à la sauce free party, hein, donc psy, trance, les sons, ça galope. Voilà. Et ensuite, je vais vous passer une artiste qui s'appelle Laze. Donc, c'est une artiste marseillaise, productrice marseillaise. Alors, Laze, ça veut dire paresseux en anglais, je n'avais pas capté. et en fait, c'est un son un peu à l'esthétique, comme le Positive Education l'aime. Hein, donc, un peu dans le style futuriste, éthérique, japonisant un peu dans cette imagerie. Donc le morceau s'appelle Yuko Y-U-K-K-O et le morceau s'appelle Sotai. Voilà. Et pour finir, je vous présenterai donc Bruit Fantôme, qui est un artiste rémois que je vous avais présenté déjà deux fois, je crois, et qui a sorti son album il y a trois jours, qui s'appelle La Porte du Cosmos. Et je vais vous présenter le morceau World Weird. C'est vrai qu'on est un peu dans l'esthétique des synthés, mais comme je vous avais présenté avec Egyptology, d'ailleurs je sais que c'est un groupe qu'il affectionne particulièrement, mais c'est un album qui est intéressant. Bon, allez, je vous présente Demolition Party de Heretic pour commencer, puis Extravelt, puis Laze et enfin Bruit Fantôme. Mm-hmm. Refoulés du littoral, les raveurs sont sur les nerfs. La preuve avec ce jet de pierre qui déjà nous est adressé. Il faut dire que les municipalités leur interdisent tout accès au camping et terrain vague à coups de tractopelle. que pendant 3 jours, on reste devant du son qui est bien. Thank you. On vient tout juste de s'écouter Bruit Fantôme avec son dernier album qui s'appelle La Porte du Cosmos. Le titre, c'était World Weird 2. Ensuite, avant, on a écouté Laze, une artiste marseillaise, avec un titre qui s'appelle Yuko sur l'album Sauteil. Avant, on a écouté Extravelt qui se produit au Fila Saint-Étienne le 16 mars. Voilà, si ça vous tente d'aller y jeter une oreille. Avec le morceau One Tree Hill qui était sorti en 2008 sur l'album Chenonoy Extravelt. Et avant, je vous ai présenté donc un morceau des Heretic System qui donc se produisent le 24 février 2024 où vous pouvez encore gagner des places en appelant au 04 77 25 05 80 14. Voilà, ils mettront un peu le bazar avec deux scènes. Donc voilà, pensez à prendre des bouchons. Et alors, on va se terminer cette sélection parce qu'il est 23h09 et là, j'ai grave abusé. Et alors pour finir, la musique de fin. Normalement c'est le qu'est-ce que c'est normalement là, mais ça sera une outro qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Alors il y a deux morceaux. Alors en fait je voulais passer qu'un morceau, mais je me suis dit ça serait rigolo d'en passer deux. Vu que je suis en retard, autant en profiter. Alors il y avait The Prophet. Qui est un artiste néerlandais de art style, voilà pour fignoler avec ce que j'ai commencé. Le morceau s'appelle Big Boys Don't Cry. En fait, c'est une reprise du groupe 10cc, un groupe rock anglais des années 70. Le morceau s'appelait I'm Not In Love, de les reconnaître. Et alors ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai entendu l'anecdote à propos de pourquoi il s'appelle 10cc, 10 cm cubes. Bah alors apparemment c'est une histoire de volume d'éjacula. Voilà, ils ont considéré que c'était la raison. Faut pas chercher à comprendre des fois, mais c'est une raison. The Prophet qui s'appelle donc Dove Joseph Elkabas, qui est aussi appelé The Masochiste, hein, qui est aussi appelé The Godfather du Hard Style aux Pays-Bas, enfin, et dans le monde, qui était un peu à l'origine de ce mouvement happy hardcore, gabber, enfin voilà. Qui a fondé son label qui s'appelle Scantrax Records. Donc on va s'écouter ce petit morceau et après, ça j'ai craqué à fond, je me suis dit tiens, autant mettre à l'honneur le gabber français et je vais vous passer un morceau de Fun Bicrave, Fun Bibi alias, qui a sorti un morceau, enfin il a fait deux albums sur son label Casual Gabbers. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Baise tous les traîtres. Donc c'est très catchy. Hein, voilà. C'était pour fignoler, conclure. Total. Sur la sélection hardcore jusqu'à la mort. Bon, écoutez bien. Jusqu'à la fin. Et désolé pour le dérangement pour ceux qui écoutent Radio Dio en mode folk, pop, rock. Bon, voilà, il y a un peu d'électro et qui déborde. Et voilà, c'est qu'une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois à 20h30. Donc voilà, vous pouvez retrouver la sélection sur radioduo.org avec donc l'émission et les émissions précédentes avec les tracklists. Le mois prochain, je ne sais pas du tout quel label je vais présenter, mais je vais trouver. J'ai pas réfléchi. Bon, le mois de février passe vite, donc voilà. Et que dire d'autre? Eh bien, peut-être qu'on se retrouvera au Hérétique. J'irai jeter une petite oreille, eu la possibilité de... Enfin, je remettrai les places en jeu sur Radio Dio, la page Facebook. Et puis, que dire? Un non n'est toujours pas un oui. Oui. Et bonne nuit. Et à bientôt. Voilà. On se termine avec The Prophet. I'm not love. Enfin, c'est Big Boys Don't Cry d'abord. Et pas I'm Not In Love, puisque c'était le morceau originel de 10cc. Je fais ma petite bidouille. Allez, à la prochaine. Faites de beaux rêves. Soyez joyeux. Tout ça. Vous reconnaissez? Ah oui. Les souvenirs, tout ça. Ah, surtout pour mon binôme génétique. Salut à toi. tête, nique sa mère la programmation. Baisse tous les traîtres. Programmation. Fils de pute, 93. Pire inspiration, nique la conspiration.